France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, Vinny. Laurent Vallière, 42e rue. Bonjour à tous. Il est tombé dans les claquettes à l'âge de 22 ans après des études de cinéma. Il avait écrit une thèse sur les musiques de courts-métrages de Walt Disney et voilà qu'il faisait des claquettes pieds nus sous le grand chapiteau d'Achille Tonique chez Shirley et Dino. Mais c'est avec Jean Dujardin qu'il gagne la reconnaissance du grand public. Il fait danser le comédien dans The Artist, le film français aux 5 Oscars, et soudain, les 3000 écoles de claquettes de France voient leur effectif doublé. On le demande à tour de bras. Bonjour Fabien Ruiz. Bonjour Laurent. Vous avez appris le cinéma, vous avez réalisé des courts-métrages, des publicités, des documentaires. Vous êtes programmateur de jazz et ce matin, c'est vous qui programmez la 42e rue de France Musique, la rue des comédies musicales ouverte chaque dimanche matin à 11h. Et je dois dire que vous allez nous surprendre ce matin. Par exemple, avec ceci. Fabien Ruiz, présentez-nous cet extrait, ce premier extrait que vous nous avez proposé ce matin. C'est marrant parce qu'à chaque fois que je parle à des amis et je leur dis « Vous vous souvenez de ce numéro fabuleux musical au début d'Indiana Jones et le Temple Maudit ?» Personne ne s'en souvient. Ouais. Alors que moi, je me souviens, quand j'étais assis dans la salle de cinéma, j'étais venu voir un film d'aventure. J'avais adoré le premier, Les Aventures de l'Arche Perdue. Et ça commence par... Alors, j'étais déjà claquettiste. Et ça commence par une superbe séquence de claquettes et de musical, mais vraiment traditionnel, puisque l'action se passe en 1935. Et là, on est vraiment dans le tube de l'époque, puisqu'en 34, il y a Anything Goes qui s'était joué sur scène avec cette chanson-là. Et Spielberg a décidé donc de mettre cette chanson. Et j'adore parce que l'orchestration est vraiment on dirait qu'elle sort de 1935, l'orchestration musicale, la chorégraphie et la façon dont Spielberg filme ce petit moment de Broadway qui se transforme d'ailleurs assez rapidement en Hollywood. Et en fait, c'est le générique d'Indiana Jones et le Temple Maudit. Et à la fin, d'ailleurs, on est dans un bar donc à Shanghai dans les années 30. Exactement. Et à la fin, il y a Harrison Ford qui descend l'escalier, voilà, et s'installe à la table du truand. Et du coup, l'action, c'est pas gratuit puisque l'action qui va commencer sur le plan de l'aventure s'enchaîne avec ce numéro de claquette puisqu'on a les danseuses, on a l'orchestre et d'un seul coup il apprend qu'il est empoisonné et le méchant lui dit bah l'antidote elle est là et hop il arrive à l'attraper sauf que l'antidote qui est dans un petit flacon tombe par terre et se mélange avec les pieds des danseurs etc. Il y a une espèce de fondu enchaîné si je puis dire entre le moment Broadway claquette et l'aventure qui commence. Alors on est en 1984 mais ça faisait pas très longtemps que vous faisiez des claquettes Fabien Ruiz. Je venais de commencer. Donc, c'est pas le déclencheur ? Non, c'est pas le déclencheur. Non, le déclencheur, c'est grâce à mon ami Jean-Pierre Lory, qui est comédien et qui est allé dans un cours de claquettes et qui m'a dit, tu devrais venir voir parce que ça va te plaire. Moi, j'ai toujours fait beaucoup de... On jouait beaucoup au tennis ensemble, au foot. Et c'était un ami d'enfance, d'école. Et le fait d'aller dans ce cours de claquettes, d'abord, je savais pas qu'il y avait des cours. Ça, c'est une grande première pour moi parce que pour moi, les claquettes, c'était américain. Donc, je pensais que pour faire des claquettes, il fallait aller aux États-Unis. Et je pensais pas qu'il y avait des cours en France. Et donc, grâce à ce coup de fil où il m'a dit je me suis inscrit dans un cours de claquettes, tu devrais venir voir. Là, d'un seul coup, oui, c'est ça le déclencheur. Alors évidemment, dans votre playlist ce matin, Fabien Ruiz, sur la 42e rue de France Musique, il y a des grands des claquettes. Et alors, des grands des claquettes, il y en a beaucoup aux États-Unis. Bill Bojangles Robinson, John Bubbles. Mais vous, là, par exemple, vous avez choisi un numéro des Nicholas Brothers. Pourquoi eux ? Parce qu'ils ont enregistré des disques. C'est bizarre comme réponse parce que les Nicholas Brothers sont connus pour leur qualité de danseurs, l'harmonie qu'ils avaient tous les deux dès qu'ils commençaient à faire des acrobaties. Mais moi, ce que j'adore chez tous ces claquettistes des années 30, c'est qu'ils ont tous enregistré des disques qui à l'époque étaient des 78 tours parce qu'ils étaient tous musiciens. En l'occurrence, les Nicholas Brothers, c'était vraiment des superbes chanteurs, comme Bill Robinson d'ailleurs, ou comme John Bubbles. Et d'autres étaient violonistes de jazz, comme Jimmy Slide par exemple, ou batteurs. Et du coup, évidemment qu'on pense à la danse quand on pense aux claquettes et aux Nicholas Brothers. Mais là, on va les écouter. On va les écouter chanter et faire des claquettes. Et on s'aperçoit que les claquettes, c'est véritablement un instrument de musique qui est lié au jazz. Ils ont 11 et 18 ans, Fayard et Harold Nicholas, et ils chantent en 1936 « Keep a Twinkle in Your Eyes ». Back again, yeah! I've got a drink. gentlemen, Gregory Hines. Gotta dance. Gotta dance. Like many other dancers of my generation, I was raised on Gene's films. And inspired. And I always wanted to meet him because I figured when and if I did, he would teach me things about dancing and singing and acting. And then I did meet him. And he did teach me those things. So this is for you, Gene Kelly. I got rhythm, and I got music, and I got my gal. Who could ask for anything more? I got daisies in green pastures. I got my gal. Who could ask for anything more? Old man Trouble, I don't mind him. You won't find him round my door. I got sweet dreams and I got starlight. I got my gal. Who could ask for anything more? Who could ask for anything? Here's one I stole from Gene. One, two, three, four. You got me on the go, fascinating rhythm, I'm all equipped. What a mess you're making, the neighbors wanna know why I'm always shaking. Oh, each morning I wake up with the sun to find that night no one has been done. I got rhythm, fascinating rhythm. En 1982, une grande soirée en hommage, en présence de Gene Kelly au Kennedy Center de Washington. Et qui jouait des claquettes et qui avez-vous choisi, Fabien Ruiz, ce matin? C'est Dieu, c'est le maître, c'est Gregory Hines. Ah, pour vous, c'est le maître? Ah hein. Ouais, c'est parce que ce type, il a tout. Il a tout d'abord parce qu'il a tellement réinventé les claquettes à une période... Les claquettes étaient mortes entre 1955 et 75, il y a eu 20 ans de misère totale où les claquettistes étaient tous au chômage parce que le cinémascope est arrivé, parce que le rock'n'roll est arrivé, parce que la musique électrifiée est arrivée. Donc, les claquettes n'existaient plus. Et lui, il a dit, à partir des années 75, 76, mais pourquoi ça serait pas à nous de nous adapter? Donc, il a commencé à faire des claquettes sur des musiques de l'époque, donc des années 70, sur le jazz rock, sur les prémices du funk, etc. Et puis, sa gestuelle et sa façon, son énergie, son humour, le fait que ce soit un artiste complet, c'est-à-dire un chanteur, on peut l'entendre, là, vocalement, c'est quand même monstrueux, ses idées d'orchestration, ses idées de scénographie, de mise en scène, et puis surtout son talent de comédien, c'est un très très grand comédien. Il a eu quand même le Tony Award pour Jelly Last Chance en 92 à Broadway. Donc tout ça fait que d'un seul coup, il y a plein de gens qui se sont dit « Ah oui, les claquettes !» Et du coup, il a été invité partout, il a mis des claquettes partout et les cours de claquettes aux États-Unis se sont remplis grâce à lui. Mais quand je dis que pour moi, c'est le dieu des claquettes, c'est surtout que son inventivité musicale et rythmique est fantastique. Ce type est un batteur. D'ailleurs, comme par hasard, comme Fred Astaire, il jouait très très bien de la batterie. Pour faire très bien les claquettes, il faut être musicien. Il ne faut pas être danseur, il faut être musicien. C'est ça le plus important. C'est ce que j'ai appris en allant voir votre spectacle Claquette Jazz, Fabien Ruiz. C'était à Paris pendant les fêtes de Noël. C'est en train de tourner actuellement en France. Vous expliquez effectivement qu'au départ, c'est de la percussion, les claquettes. Oui, mais une claquette, c'est un son. Je trouve que le mot français est très bien choisi. Le mot anglais, tap, c'est pareil. Tape, alors il se trouve que c'est un homonyme, ça veut dire aussi un robinet en anglais, mais peu importe, c'est un robinet à rythme, et que tape, ça tape. Alors on a rajouté le mot dance derrière, tap dance, parce qu'effectivement, une fois qu'on a bien appris à taper, à faire du rythme, on peut danser, comme certains batteurs pour des films parfois ou des spectacles s'amusent à faire des effets visuels, ou certains pianistes aussi font des effets visuels pour les besoins de music hall, de cabaret, etc. Donc, on peut rajouter du visuel aux claquettes. Avec les mains, par exemple. Hein. Avec les bras, beaucoup. Bah, ce que faisaient beaucoup, d'ailleurs, les Nicholas Brothers. Mais ça n'empêche que c'est jamais au détriment du rythme. C'est pour ça que c'est important pour moi de pouvoir montrer ça à la radio, diffuser ça, des disques de claquettes, parce que c'est d'abord de la batterie avec les pieds. Alors, il faut qu'on ferme les yeux. On va vous entendre faire des claquettes sur Cheek to Cheek d'Irving Berlin. Mais moi, j'aurais bien que vous nous disiez un petit peu qu'est-ce que vous faites avec vos pieds pour ce moment-là. Mes pieds font des pas qui sont... Finalement, il y en a très peu des pas de claquettes. Ils font des shuffles, des flaps, des steps, des heels, des digs, des toes, des brushes, qui sont un petit peu comme si je disais je fais des dos, des ré, des mi, des fa, des sol. C'est un peu les notes des claquettistes. Et après, on les agence comme on veut. J'improvise avec mes deux musiciens, Michel Van Der Esch, Olivier Rivaud. Et ça part sur un hommage pour Fred Astaire. Thank you. France Musique, 42e rue, Laurent Vallière. On se rappelle le numéro de fin du film The Artist avec Jean Dujardin et Bérénice Bejo. Le film aux 5 Oscars qui se termine par un grand numéro de claquettes. Une musique signée Ludovic Bourse. À l'écran, ceux qui font des claquettes sont bien Jean Dujardin et Bérénice Bejo, mais ce qu'on entend, les pieds qu'on entend sont les vôtres en fait. Fabien Ruiz, vous n'avez pas seulement chorégraphié le numéro, mais vous avez aussi joué des claquettes. Oui, en fait, j'avais trois rôles sur ce film. J'étais d'abord le coach pour leur apprendre à faire des claquettes, ensuite le chorégraphe, et après j'ai fait le doubleur son pour le son des claquettes. Mais ça, c'est tout à fait normal de faire la post-synchronisation du son des claquettes, parce que ça s'est toujours fait. Même Fred Astaire, quand on le filmait, on n'enregistrait pas le son parce que c'est pour des raisons techniques, c'est trop compliqué puisque lorsque quelqu'un doit parler devant une caméra, il y a un perchman avec un micro très très près du visage, hors champ bien sûr, mais à 30 cm pour pouvoir avoir le son. Et donc ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il y ait un perchman qui suive Fred Astaire ou Gene Kelly quand ils font des claquettes. Donc du coup, on a toujours pris le parti de filmer en muet les séquences de claquettes, les séquences musicales, de même que l'orchestre n'est pas présent. Et après, on fait la post-synchronisation. Donc, Fred Astaire se post-synchronisait lui-même, bien sûr. C'était souvent Hermès Pan, son chorégraphe, qui faisait Ginger Rogers, par exemple. Et puis, donc, on m'a demandé pour The Artist de faire la post-synchronisation. Donc, j'ai fait Bérénice Bejo et Jean Dujardin avec deux paires de chaussures différentes dans un studio de bruitage. Mais concrètement, ça doit être très compliqué quand même de taper des pieds juste au moment où exactement les deux acteurs à l'image sont en train de le faire. Mais non. Pourquoi c'est pas compliqué? Parce qu'il se trouve que c'est une chorégraphie écrite. Autant moi, comme on a entendu tout à l'heure, quand je joue avec mes musiciens, j'improvise. Ça serait compliqué de refaire la post-synchronisation de quelqu'un qui improvise. On me l'a demandé deux, trois fois pour des films, notamment je me souviens d'un film allemand où c'est Claude Bolling qui m'avait dit « Tiens, il faut que tu fasses le son des deux claquettistes parce qu'ils sont pas en place là, musicalement. » Et c'était très dur parce que c'était de l'impro. Mais par contre, là, la chorégraphie étant apprise par cœur, Jean Dujardin et Bérénice Bejo font la chorégraphie que je leur ai apprise, et ben moi, je refais la chorégraphie avec un casque sur les oreilles pour avoir la musique, bien sûr. La seule petite difficulté, c'est qu'il faut que je me fie quand même à leur léger petit décalage, s'il y en a. Parce que là, on verrait, le spectateur verrait tout de suite si le son n'est pas exactement au moment où le pied se pose sur le sol. Alors, les difficultés dans cette danse, vous avez dit dans une interview qu'il y avait des sauts, il fallait qu'ils aient le regard, il fallait qu'ils aient le mouvement des bras. Alors, ça, c'est compliqué. La grande difficulté de ce morceau-là, c'est qu'il est très rapide. Ouais. Et que normalement, quand on apprend à faire des claquettes comme n'importe quel instrument, on ne joue pas tout de suite des morceaux rapides, que ce soit au piano, au violon ou à la batterie. Bien sûr, il faut quelques années. Là, il n'y avait pas quelques années. Il y avait juste une vingtaine de cours pour arriver à ce niveau-là. Donc là, il y a un vrai travail de coaching. Et donc, très sportif, très physique, pour avoir la souplesse qui fait qu'on est tout le temps dans le rebond. Les claquettes, c'est du jogging. Et quand c'est cette vitesse-là, c'est du sprint. Donc, il faut réussir à faire un son sous chaque pied très rapidement, voire deux sons, voire trois sons quand on est en triolet. Donc, la difficulté, c'était ça. Et puis après, il fallait trouver une harmonie entre eux deux, bien sûr, parce qu'ils n'ont pas la même corpulence, la même taille. Alors qu'à l'époque des années 30, on choisissait toujours la partenaire en fonction justement du visuel de l'acteur principal. Prenons Ginger Rogers par rapport à Fred Astaire, par exemple. Là, les acteurs étaient choisis d'avance, donc il fallait rattraper ça par faire un maximum de pas qui ne montrent pas justement cette différence. Et puis moi, je me suis imposé de n'utiliser que des pas, puisque le film se termine en 1932, que des pas qui existaient en 1932. Parce que les pas de claquettes, on en a inventé dans les années 40, 50, 60. Et volontairement, je ne voulais pas faire d'anachronisme par rapport aux claquettes. Fabien Ruiz, le claquettiste, programme ce matin 42e rue et il programme aussi des numéros de danse sans claquettes. You can have it. And good luck to you, buddy. A long time ago, a million years BC, the best things in life were absolutely free. But no one appreciated a sky that was always blue, and no one congratulated a moon that was always new. So it was planned that they would vanish now and then, and you must pay before you get them back again. That's what songs were made for, and you shouldn't be afraid for. Every time it rains, and it's from heaven. Don't you know each cloud contains pennies from heaven? You'll find your fortune falling all over town. Be sure that your umbrella is upside down. Trade them for a package of sunshine and flowers. If you want the things you love, you must have showers. So when you hear it thunder, don't run under a tree. There'll be pennies from heaven for you and me. Il s'appelle Arthur Tracy, c'est une chanson populaire de 1928, Pennies from Heaven. Et le héros dans ce film que vous aimez beaucoup, je crois, Fabien Ruiz, danse sous la pluie. C'est pas Chantons sous la pluie, mais c'est non, un peu non, ça. Mais c'est un film que j'adore qui s'appelle Pennies from Heaven, qui est de 1981 et qui utilise le principe de tous les moments musicaux sont des vieilles chansons, donc avec leur enregistrement d'époque, fin des années 20, 30, un peu comme a fait Alain René avec On connaît la chanson quelques années plus tard. Mais ce que je trouve absolument merveilleux dans ce film, d'abord, c'est que l'idée de ne pas faire une comédie musicale, mais de faire une dramatique musicale. C'est pour ça que ce film n'a pas du tout marché et reste très méconnu, parce que les Américains l'ont complètement boudé, n'ont pas compris qu'il n'y a pas de happy end. Qu'à la fin, le héros, il meurt, c'est pas possible. Mais si, parce qu'on peut tout faire avec le musical, on n'est pas obligé d'être tout le temps dans le happy end. Et c'est fait avec tellement de finesse. Et ce moment-là qu'on vient d'entendre, absolument magique, parce que d'un seul coup, ils sont dans une espèce de petite cafétéria américaine, dans la misère, c'est la dépression. Mais il suffit qu'il pleuve pour que ces gouttes de pluie se transforment en pièces d'or qui tombent du ciel. Et d'un seul coup, le mur de la cafétéria s'ouvre et il se met à danser sous la pluie. Et je trouve ça magique. Any girl who's reached the age of 17 or thereabout has but one desire in view. She knows she has reached the stage of needing one to care about. Nothing else will really do. Childhood games are left behind, and her heart takes wing, hoping that it soon will find just one thing. We've got to have, we've got to have, for it's so dreary not to have that certain thing called the boyfriend. We scheme about and dream about, and we've been known to scream about that certain thing called the boyfriend. He is really a necessity if you want to get on, and we might as well confess it, he is our sine qua non. We sigh for him and cry for him, and we would gladly die for him, that certain thing called the boyfriend. We plead to have, we need to have, in fact our poor hearts bleed to have, that certain thing called the boyfriend. We'd say for him and stay for him, we'd even misbehave for him, that certain thing called the boyfriend. Life without us is quite impossible and devoid of all charms. No amount of idle gossip will keep them out of our arms. We'll do without, can't do without. Our dreams just won't come true without that certain thing called the boyfriend. En 1954, la première apparition à Broadway de Julie Andrews, elle a 19 ans, dans The Boyfriend, la comédie musicale de Sandy Wilson. C'est le choix de Fabien Ruiz, claquettiste, notamment chorégraphe de Jean Dujardin dans le fameux film The Artist, mais pas que. Julie Andrews est une voix importante pour vous. Il se trouve que ce disque était chez mes parents quand j'étais jeune et je l'écoutais en boucle. Je ne savais pas pourquoi et c'est quelques années après d'ailleurs que j'ai regardé qui étaient les noms. Et je me suis aperçu que c'était Mary Poppins, la mélodie du bonheur, c'était Madame Julie Andrews qui, parce que je voyais le film passer très souvent à la télé de cette comédie musicale qui s'appelle The Boyfriend. Sauf que le film n'est pas avec Julie Andrews, il est avec le top model Twiggy, qui était top model dans les années 60. Donc c'était un casting anglais. Et en réécoutant le disque après, je me suis dit, mais quand même, la voix de Julie Andrews, c'est quand même, et moi, je suis fan de cette personne qui, pour moi, voilà, tous les talents du monde. Encore une fois, c'est une merveilleuse comédienne, comme par hasard. Et, et que ce soit les films que j'ai cités, Mary Poppins, La Mélodie du Bonheur ou Victor Victoria, ou qu'est-ce que soit l'œuvre qu'elle a pu faire, c'est toujours merveilleux quand c'est Julie Andrews qui le fait. Fabien Ruiz, vous n'avez pas programmé que de la comédie musicale anglo-saxonne. Là, on va vous entendre faire des claquettes sur une comédie musicale française, plutôt un conte musical d'Anne Sylvestre. C'était quoi, Lala et le Cirque du Vent ? C'était une merveilleuse aventure. Lala et le Cirque du Vent est une très très belle pièce musicale écrite donc par Anne Sylvestre que nous avons créée à Villeneuve-les-Avignon. Je crois que c'était en 93, 92. Et j'ai toujours trouvé qu'Anne Sylvestre était une auteure, compositeur absolument magnifique. Tout ce qu'elle écrivait, que ce soit ses chansons à elle, ou que ce soit les chansons qu'on connaît pour les fabulettes, pour les enfants, il y a toujours une poésie, il y a toujours une inventivité, et surtout une intelligence et une justesse incroyable. Et cette comédie musicale, qui était interprétée, le rôle-titre du personnage qui s'appelle Lala, était interprété par Élodie Béard, c'était vraiment, pour moi, d'être chorégraphe sur ce spectacle, ça a été un véritable bonheur. Et donc, quand le disque s'est enregistré, moi, j'étais pas du tout dans le spectacle. Anne Sylvestre m'a demandé, bien sûr, de faire l'enregistrement des claquettes. C'était François Robert, l'orchestrateur notamment de Jacques Brel, qui a fait l'orchestration. Et c'était que du bonheur, voilà. Je suis admiratif de l'écriture d'Anne Sylvestre. Alors, ça se passait, c'est un conte pour enfants. Ça se passait à Saint-Ziquet-sur-Gadouille, l'histoire d'un petit cirque qui arrivait dans une ville où il pleuvait plus. Et vous faites des claquettes à ce moment-là, pourquoi ? Parce que le personnage principal, donc moi, je n'étais pas dans le spectacle, hein, mais Lala, qui est cette petite fille qui a été adoptée, ne peut pas s'exprimer, elle ne peut pas parler. Et Anne Sylvestre avait eu l'idée qu'elle ne parle qu'avec ses pieds. Voilà, parce que c'était une petite danseuse qui faisait des claquettes. Et à chaque fois, elle donnait son émotion, son tempérament, en faisant des claquettes de façon joyeuse ou de façon triste. Une chanson intitulée « Voyez, voyez ». J'ai vu Lala du coin de l'œil, d'ambre comme une écureuil. J'ai donné gros sac de noisettes, j'ai reçu Lala sur le tête. J'ai appris à lui à danser, voyez, voyez. Voyez, voyez Lala danser, Lala qui parle avec ses pieds. Voyez, voyez Lala danser, applaudissez. J'ai vu Lala dans un terrier et son fourrure tout crotté. Petit renard mordu, alors je montre qui est le plus fort. J'ai appris à lui à danser, voyez, voyez. Voyez, voyez Lala danser, Lala qui parle avec ses pieds. Voyez, voyez Lala danser, applaudissez. J'ai vu Lala dans un buisson, piquante petite hérisson. Était lui tout roulé en boule, moi je prends lui et je déroule. J'ai appris à lui à danser, voyez, voyez. Voyez, voyez Lala danser, Lala qui parle avec ses pieds. Voyez, voyez Lala danser, applaudissez. J'ai vu Lala coucher dans mousse avec un autre bébé ours. Ils étaient comme jumeaux jumelles, à tous les deux je donne miel. J'ai appris à eux à danser, voyez, voyez. Voyez, voyez Lala danser avec tout miel à ses côtés. Voyez, voyez Lala danser, applaudissez. Voyez, voyez Lala danser avec tout miel à ses côtés. Voyez, voyez Lala danser, applaudissez. Maria, le plus joli nom jamais murmuré. Maria, Maria, Maria, Maria. Et le plus joli nom qu'une femme ait jamais porté. Maria, Maria, Maria, Maria, Maria. Maria, je ne sais rien. Toi, Maria, mais à toi bon savoir, je n'ai plus besoin de savoir. Maria, puisque je sais ton nom, Maria, je peux le caresser et je peux le crier. Qui gronde, fait pleuvoir un beau. Maria, je t'aime, Maria. Alors ça, c'est une curiosité que vous m'avez fait découvrir, Fabien Ruiz, merci beaucoup. C'est incroyable, comme ça sonne bien en français, Maria de West Side Story. Oui, ça sonne bien parce que c'est Luis Mariano et que c'est vrai que c'est une voix absolument hallucinante. Enfin, moi, je suis pas du tout spécialiste ni spécialement amateur d'opérette. Moi, je suis plus dans le jazz, mais quand j'entends Luis Mariano, c'est beaucoup d'émotion. C'était écrit par mon papa. Alors Michel Rivegauche, c'est le nom de votre père, on le connaît tous, c'est lui qui a écrit notamment les paroles de La Foule, la chanson d'Édith Piaf. Il a écrit pour Colette Renard, la chanson Ça c'est de la musique, il a écrit pour Dalida, il a écrit pour nombre d'artistes. On peut dire que vous avez grandi dans un milieu hyper artistique. Vous avez beaucoup été au spectacle quand vous étiez jeune, Fabien Ruiz du coup? Mes parents nous amenaient au Châtelet tous les dimanches. On allait beaucoup au spectacle, on allait beaucoup au cinéma et surtout on regardait beaucoup les émissions de variété à la télévision parce qu'il y avait tout le temps des chansons de mon père qui étaient programmées puisqu'il a écrit pour toute la variété française des années 60, 70, que ce soit Yves Montand, Henri Salvador, Maurice Chevalier, Bourville. Enfin, c'est un des rares auteurs français qui a écrit pour autant d'interprètes parce que souvent les paroliers ils écrivent pour un interprète ou deux et lui il a écrit absolument pour tout le monde. Et donc j'ai été vraiment baigné par les émissions de variété de la télévision, de l'ORTF, et on allait aussi beaucoup au spectacle bien sûr. 42e rue, Laurent Vallière, France Musique. Et par exemple, autre découverte ce matin, une comédie musicale qu'avait écrit votre père pour Édith Piaf. C'est une comédie ballet, c'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire le terme comédie ballet? C'est-à-dire que tout est dansé. Ouais. Il n'y a pas de comédien, ce sont tous des danseurs. Et cette comédie ballet a eu une histoire assez bizarre parce qu'en fait, lorsqu'ils se sont réunis, le compositeur Claude Léveillé, le chorégraphe Pierre Lacote et mon père Michel Rivegauche pour créer ce spectacle, c'était à la demande d'Édith Piaf. Parce qu'elle était, mais comme toujours, Édith Piaf, c'est-à-dire que quand quelque chose lui plaisait, c'était à fond. Elle avait vu West Side Story et elle demandait à tout son entourage, ses auteurs, ses compositeurs, de venir avec elle. Donc honnêtement, au bout de 15 fois, on n'en peut plus de voir West Side Story. Bien sûr, c'était au cinéma, donc il fallait retourner au cinéma 15-20 fois voir West Side Story. Et elle voulait faire sa comédie musicale sous forme de comédie ballet parce que c'était bien sûr à la fin de sa vie. Elle ne le savait pas encore, mais là, on est en 1962. Elle est morte en 63. Et donc, ils ont écrit cette comédie ballet qui s'appelle La Voix. Et l'idée, c'est qu'elle fasse justement le personnage, non pas principal, qui sont ce couple de danseurs, mais qu'elle fasse la voix des émotions, de l'amour, etc. Il se trouve qu'elle a commencé à enregistrer quelques chansons avec un petit magnétophone. Je crois que c'était même dans sa chambre, sur son lit, avec juste le pianiste, et elle est décédée après. Et donc, ils ont décidé, quand même, un an après son décès, de créer la voix pour l'ORTF. C'est donc jamais joué sur scène. Il y a eu une diffusion à l'ORTF à l'époque, avec la petite bande magnéto de la voix d'Édith Piaf et le piano. Qui chantait notamment le métro de Paris. Des escaliers mécaniques, portillons automatiques, couloirs de correspondance, hors de pointe et d'affluence, fourmilières en mosaïque, labyrinthes fantastiques, et toujours en courant, des gens qui vont et qui viennent, et encore en courant, les mêmes gens qui reviennent. Et le métro qui flânait sous Paris, doucement s'élance et puis s'envole, s'envole sur les toits de Paris. Des midinettes qui trottinent, des ouvriers qui cheminent, des dactylos qui se pressent, des militaires qui s'empressent, des employés qui piétinent, des amoureux qui butinent, et toujours en courant, des gens qui vont et qui viennent, et encore en courant, les mêmes gens qui reviennent. Et le métro qui planait sous Paris, doucement s'élance et puis s'envole, s'envole sur les toits de Paris. Des escaliers mécaniques, portillons automatiques, des bruits de pas qui résonnent dans les couloirs monotones, basiliques fantastiques dans le faux jour électrique. Le métro de Paris, gigantesque verluisant, sur les toits de Paris, a tissé de fils d'argent. Et doucement, il s'étire sur les toits de Paris et glisse, glisse, glisse, glisse, glisse. Duke Ellington revisite Mary Poppins. Un enregistrement que vous avez choisi, Fabien Ruiz, vous le chorégraphe et claquettiste qui programmait ce matin 42e rue. Et avec, faut bien le dire, une nouvelle corde à votre arc. Alors vous n'êtes pas déguisé en pingouin, mais vous bougez vraiment comme un pingouin avec votre plateau en main dans le concert de Laurent Mignard qui a repris justement avec son orchestre cette partition revisitée de Mary Poppins par Duke Ellington. Un spectacle Jazzy Poppins que nous aurons la chance de recevoir très bientôt sur la 42e rue. Et donc, vous êtes un des participants de ce spectacle, comme les grands orchestres à l'époque avaient leur propre claquettiste. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce projet? Bah, en fait, c'est déjà un tellement grand bonheur de pouvoir faire des claquettes avec un orchestre aussi fabuleux que le Duke Orchestra de Laurent Mignard. Et puis, d'abord, je suis absolument fan de ce film, évidemment, Mary Poppins. Mais c'est surtout que je ne savais pas du tout, c'est Laurent Mignard qui m'a dit que Duke Ellington avait enregistré le disque. Dès la sortie du film, Duke Ellington était tellement amoureux des mélodies des frères Sherman qu'il a fait sa propre orchestration. Donc comme on vient de l'entendre, très très swing, très jazz. Et quand Laurent Mignard m'a proposé de venir faire quelques pas de claquettes pour évoquer la fameuse séquence du salon de thé, donc reprendre un peu le rôle entre guillemets de Dick Van Dyke, qui est quand même un énorme comédien danseur, donc j'ai tout de suite dit oui. Et puis c'est... Vous savez, quand vous avez un big band de cette qualité derrière vous comme ça, c'est moi j'ai des frissons, quoi. C'est vraiment un bonheur sans nom. On referme cette 42e rue avec un coup de cœur énorme. Vous m'avez dit, mais ça, vous ne pouvez pas ne pas le passer, Laurent. Un film qui s'appelle Le Bouffon du Roi, qu'on ne connaît pas très bien en France. Un acteur, on avait consacré une émission à cet acteur il y a quelque temps, Danny Kaye, qui est, je ne sais pas, il y a Julie Andrews et Danny Kaye dans votre vie, si je comprends bien, alors pas au cinéma. Et Gregory Hines. Mais, Gregory c'est vrai, Hines. Mais c'est vrai que Danny Kaye, c'est encore une fois voilà, quelqu'un qui a tous les talents de danseur, de comédien, de chanteur. Il a enregistré beaucoup de disques et il a eu aussi une carrière de chef d'orchestre humoristique. Et ce film-là, c'est un film que j'ai vu quand j'étais petit, je me souviens avec mon frère, il passait très souvent à la télé. Et je ne sais pas pourquoi, c'est un film méconnu. Et c'est devenu quasiment ma comédie musicale préférée parce que c'est de la parodie. Ça se passe au Moyen-Âge, ouais. C'est le Bouffon du Roi, comme son nom l'indique. Sauf que c'est bien avant les Monty Python, avant Sacré Graal, etc. Et il y a le même humour, c'est-à-dire qu'on a carrément un second degré. D'un seul coup, le film passe en marche arrière, d'un seul coup, il s'accélère. C'est incroyable que ce film soit pas connu parce que c'est bourré de comédie comme une comédie de boulevard, avec des quiproquos, avec... Et il y a dedans des chansons merveilleuses, et il y a dedans de la danse, et il y a de l'action, et c'est tout se passe au Moyen-Âge. Et lui se déguise en multiples personnages. Et hein, lui Danny fait Kaye. Plusieurs personnages, exactement. Un, et un... ça donne des séquences absolument qui pour moi sont des séquences cultes. Un vieil homme, un fou du roi, là par exemple, ce qu'on va entendre, ce que vous avez choisi. Alors j'ai choisi le générique, ouais. Parce qu'encore une fois, voilà du second degré, c'est que le réalisateur s'est dit... Mais tiens, pourquoi ne pas illustrer le générique avec une chanson? Donc on a une chanson entière pendant tous les noms du générique défile, sauf que les noms qui sont inscrits sur l'écran gênent l'interprète, gênent Danny Kaye. Donc quand les noms arrivent du haut en bas, il est obligé de s'aplatir pour ne pas être écrasé par les noms. Le méchant qui est joué par Basil Rathbone, qui est le méchant idéal des années 30, qui fait le par exemple le méchant dans Robin des Bois, dans tous les films d'Errol Flynn, eh ben son nom arrive plein de fois. Et à chaque fois, Danny Kaye est obligé d'éjecter son nom. Donc voilà, c'est des idées de second degré qui me plaisent beaucoup au cinéma. Life could not better be, better be, better be it. Could not possibly, no sirrah, sirrah, sirree. Songs could not gayer be, sound your do, re o mi, re mi fa sol la si, fa la la la, follow me. Why be gloomy? Cut thy nose off to spite thy face. Listen to me. A nose is hard to replace. Skies could not bluer be. Hearts in love truer be. I'd say for you or me. Life couldn't possibly, not even probably, life couldn't possibly better be. Life could not better be on a medieval spree. Knights full of chivalry, villains full of villainy. You'll see as you suspect, maidens fair and silks bedecked, each tried and true affect. For the umpteenth time we resurrect. We did research, authenticity was a must. Zooks, did we search, and what did we find? A lot of dust. After the dust had cleared, half the cast had a beard, and I'm the one, as you can see, for whom the bell tolls merrily. We asked Shakespeare and Francis Bacon, would they declare which one wrote this? And they both said, get out of there. Which brings us to the plot. Plot we've got quite a lot. As it unfolds, you'll see what starts like a scary tale ends like a fairy tale. And life couldn't possibly better be. Danny Kaye, extrait du film Le Bouffon du Roi. Merci beaucoup Fabien Ruiz. Merci à vous. D'avoir partagé votre amour de la comédie musicale. Je rajoute, on a appris cette semaine que la Philharmonie de Paris allait organiser à la rentrée une grande exposition autour de la comédie musicale. Vous y serez, je crois. J'y serai, d'abord parce que je fais une conférence sur les claquettes au mois de novembre, durant cette exposition, et puis je serai même dans l'exposition, figurez-vous. Tous les jours, on m'a dit, c'est ça ? Non, pas tous les jours, ça serait les mercredis, samedis et dimanches. Exposition à découvrir à la rentrée, à la Philharmonie de Paris, et puis en attendant, Fabien Ruiz, on vous retrouve, par exemple, le 23 mars à Noisy-le-Grand pour la Nuit du Jazz, à l'espace Michel Simon. Vous êtes avec votre spectacle Claquette Jazz le 6 avril à Tomblaine, le 20 avril au Mans et le 4 mai à Bondy. Et puis vous donnez une conférence, déjà, le 5 avril prochain à Chaville, les claquettes et le jazz. C'est à la MJC de la Vallée, dans le cadre du Forum des Savoirs. Merci beaucoup. Sur francemusique.fr, vous retrouverez les références des disques diffusés ce matin, quelques vidéos des titres d'ailleurs diffusé, les vidéos des précédents concerts, et vous pouvez également nous suivre sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag 42rue. Pas d'émission dimanche prochain parce que France Musique célèbre dimanche toute la journée le centenaire de Claude Debussy. On se retrouve dans 15 jours en direct en public pour un nouveau cabaret 42e rue. Nous recevrons la troupe au complet de Hairspray et de Opéra Porno. Voilà, deux visions opposées du théâtre musical et des artistes de grande qualité. Réservation indispensable sur maisondelaradio.fr. Vous étiez sur la 42e rue de France Musique, proposée par Laurent Vallière, préparée par Martine Moni, avec à la technique Pierrick Charles, à la réalisation Perrine Mingui. Très bon dimanche, dans un instant, vous avez rendez-vous avec Jean-Baptiste Urbain. Rideau. À réécouter sur francemusique.fr.